besoin de remettre les pendules à l'heure, d'émettre un texte dirigé vers les pompeurs, les faux culs, les censeurs, mentir et leur moteur. Sans mentir, le noir fait encore peur. On fait avec ce qu'on a et on vit comme on peut. Parfois on doit combattre le feu par le feu. Tant pis si on vit dans le non-sens, on supporte l'insupportable depuis notre plus tendre enfance. Si tu savais ce que c'est de vivre des années dans le vide, l'esprit plein mais le ventre vide. J'ai subi sans souci, tu sais, pas de regret. Mon courage a grandi avec le danger. Privé de liberté, donc prisonnier de la haine. Les chaînes aux pieds, Babylone te saigne. Ils auraient aimé que je pointe, mais ce n'est pas mon délire. Plutôt OP pour m'occuper de ta tirelire. Un big up à ceux qu'on crachait sur le DOC. À ma place, ils se seraient décomposés. J'ai ce que j'ai fait et ce que je ne referai pas. Je t'ai tiré dessus, je te conseille, tu ne m'as pas laissé le choix. J'ai mûri au Détroit, 4 piges en tout avec mes gars du 7-7 Grigny et du Tartezou. Mon séjour forcé n'a fait que me renforcer. D'où vient ce besoin de vouloir nous écorcher? Nous cracher à la gueule vos salades. Seul, j'ai souvent pensé à m'occuper d'un crabe. Je dois me taper des mythos et des gros schlags. Je m'incline, le destin me griffe et m'empoigne. Contre des ombres, je mène la pire des batailles. Je deviens parano et je flippe du paranormal. Mutilation physique et mentale. En action, le dépôt c'est cisaille. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils me disent que dedans c'est de la bombe et que dehors c'est la brousse. En rade, des rappeurs bradent leurs écrits. M'incite à croire qu'ils racontent nos vies. Petit, je voulais appartenir au barreau. Plus tard, je suis devenu à la fois victime et bourreau. Rien n'a changé dans le regard des miens. Pour mes grands pas, je reste leur bébé d'un mètre 80. Franchement, je me fous de ces juges et procs. Je suis convaincu que mon bijou n'est pas en toc. Au fond du trou, j'ai gonflé mon stock. J'ai croisé le regard des voyous et celui qui la provoque. Ils veulent me tester. Ils me détestent et se moquent de mon avenir et rêvent de me voir crever dans leur bloc. Que je fasse du surplace, spectateur de mes défaites. Qu'ils fêtent leur victoire sans que je fasse un geste. Ils veulent me tester. Ouais. Ma réflexion est contenue dans l'intégralité de mon texte. Je règle mes comptes avec ce siècle. Parce qu'ils veulent me tester, obligé d'être direct. Je règle mes comptes avec ce siècle. Ma réflexion est contenue dans l'intégralité de mon texte. Je règle mes comptes avec ce siècle. Parce qu'ils veulent me tester, obligé d'être direct. Go, je règle mes comptes avec ce siècle. Ouais, c'est destiné aux gars des quartiers difficiles. Tous ceux qui évoluent dans des milieux hostiles, tu sais. Ils ont voulu salir mon nom en disant que j'étais mort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On a fait vibrer vos oreilles à 10 piges. De balles, kilomètres, définition du rap hostile.